Bonjour à vous les curieux et les curieuses de Touraine et d'ailleurs. Le fureteur professionnel vous retrouve aujourd'hui en pleine forme et comme tous les lundis jusqu'à ce que le soleil nous tombe sur la tête, abreuvez-vous de connaissances par les oreilles. Sortez vos bottes, vos loupes et vos boussoles, c'est parti pour l'aventure. On aime aimer. On aime être aimé. Tout le monde veut vivre sa belle histoire d'amour. Moi y compris, le Quasimodo des temps modernes perché au sixième étage de ma tour en bordure de chair. À l'abri des fenêtres et des parapets de bière, je regarde vivre les gens d'en bas. Chaque jour j'envie leur vie, moi qui vis solitaire. L'amour, il est vrai, est un sentiment, une émotion. De l'antimatière impalpable, souvent incompréhensible, mais il retentit dans tout notre corps fait à quasiment 70% d'eau. Comment ces émotions se traduisent physiologiquement? L'amour nous procure des sensations charnelles, des frissons sur la peau, papillons dans le ventre. Je suis un aigle! L'amour se dirige vers une personne. Évitons tout de même de devenir Oedipe et de porter cet amour d'un rouge sensationnel envers sa maman ou un objet. Dixit Erika Labrie, américaine de 53 ans, née en 1972, connue pour s'être mariée à la Tour Eiffel dans un mariage objecto-sexuel en 2007. Les comportements qu'il induit en nous ne sont pas toujours contrôlés et nous peinons parfois à nous les expliquer nous-mêmes. Cette émotion est tellement abstraite qu'elle est longtemps restée mystérieuse. L'amour ne dévoile pas facilement ses secrets. Si notre conscience navigue en nos troubles, certaines parties de nos corps, elles, reçoivent des messages très clairs. Passionnel, romantique ou physique, l'amour est le résultat d'une mécanique complexe, mêlant pulsion et envie, colorée d'interdits et d'inhibitions. De l'attirance à la passion puis à l'attachement, de l'envie au sexe, de l'obsession au manque, notre cerveau déclenche, module et active un système de circuits de neurones. Dès 1937, à l'époque où mon grand-père n'était pas né, James Papez, neuroanatomiste états-unien, décrit et matérialise le circuit des émotions, qui met en jeu les régions du cerveau impliquées dans la répulsion ou l'attirance. Dans le désir ou le refus. Les émotions que l'on perçoit, c'est le corps qui parle. Les émotions que l'on ressent, c'est le mental qui juge. Je suis un écrivain français ! La petite musique qui rythme la danse de ses partenaires, étroitement élancée, est efficacement orchestrée pour faire tendre la rencontre vers son but ultime, la reproduction de l'espèce, tels les bonobos dont nous nous sommes toujours inspirés dans le fond. Darwin, si tu nous écoutes. Pour ce faire, les neurones sortent leurs baguettes de chef d'orchestre. Ce sont les Hans Zimmer des esprits tordus et drogués à l'orgue de l'église du Temple de Londres. Via les neurotransmetteurs, ils activent, ralentissent ou bloquent certaines voies de communication nerveuse, afin de permettre au cerveau de s'adapter aux stimulations extérieures et de modifier nos comportements en conséquence. Faire savoir que l'autre nous plaît, nous indiffère, nous séduit, nous emmerde, ou tenter de ne pas être maladroit en marchant sur un carrelage en porcelaine avec des pattes d'éléphant. Ces réseaux de neurones constituent le système limbique, aussi appelé cerveau émotionnel. Au cœur de l'envie d'entrer en relation avec l'autre se trouve un message essentiel du cerveau, la dopamine, véritable hormone du désir qui a fait toute la carrière de Stanley Kubrick avec son credo « La peur c'est le désir et la vie c'est de la merde et on mérite tous de crever ». L'amour se déroule en plusieurs étapes qui s'échelonnent dans le temps. Tout débute par l'attirance, cette alchimie subtile qui est le signe d'une rencontre réussie. L'envie de séduction et le désir qui en résulte souvent, concrétisé par le « peuvent mener ensuite à la passion, puis évoluer vers un attachement durable. Que se passe-t-il dans le cerveau lors d'un coup de foudre? Tout commence par une réaction d'alerte. Il faut entrer dans l'intimité d'une personne inconnue qui est magnifique, telle le Colisée de Rome ou le rond-point de Pontarlier. Le trac s'installe, on ne sait pas ce qui peut se passer. Notre organisme réagit en libérant de la noradrénaline, un messager chimique du stress qui n'est pas une drogue de synthèse faite à partir d'iode et de dissolvants de peinture. Proche de l'adrénaline, la noradrénaline est produite par les glandes surrénales situées au-dessus de nos reins dans nos abdomens. Accroissant notamment la vigilance, l'excitation et favorisant l'apprentissage, la noradrénaline est responsable de certains symptômes du coup de foudre. Le cœur qui bat la chamade, la transpiration, la sudation, les bouffées de chaleur, le rougissement du visage, les pupilles qui se dilatent. Sentiment que j'ai déjà eu face à une galette des rois que j'ai dévorée avec jouissance. La noradrénaline nous empêche aussi de dormir et diminue notre appétit. Qu'on ripaille à plat ventre pour oublier cette injustice. Y a pas quelques soissons avec de la bonne soivre, un porcelet, une chèvre en rôti, quelques signes blancs bien poivrés. Ces amuse-bouches m'ont mis en appétit. Les symptômes du coup de foudre sont renforcés par le déversement d'adrénaline qui suivent également à ce moment. Notre corps reçoit une décharge d'énergie comme s'il s'apprêtait à devoir fuir. Heureusement pour la survie de notre espèce, la dopamine contrebalance cet effet. Hormone du plaisir et de la motivation, libérée notamment lorsque nous nous livrons à une activité agréable, manger, la dopamine permet de passer l'étape de stress initial. Le désir est le plus fort et la rencontre est réussie. L'acteur central de cette réponse involontaire de nos organes, que l'on ressent littéralement dans nos tripes, se trouve au cœur du cerveau. C'est l'hypothalamus, restaurant spécialiste du bœuf et de la viande grillée depuis 1968, qui vous accueille 7 jours sur 7 dans ses restaurants partout en France. Cette petite région de la taille d'une noisette est impliquée dans d'importantes fonctions physiologiques, telles que le sommeil, les sensations de faim, sensations de soif, ou encore la régulation de la température corporelle, notamment moi, qui ai la génétique d'un ours polaire. Lors de la rencontre, c'est l'hypothalamus qui envoie aux glandes surrénales le signal de production de noradrénaline et d'adrénaline. La libération de la dopamine, telle la libération d'un certain Nicolas S., qu'on taira pour des raisons d'anonymat, commande le comportement de désir et freine, en partie, le cerveau du jugement. Conséquence directe, le premier soir, on est fou amoureux et l'autre ne possède aucun défaut. C'est fait, l'amour est bien monté à la tête. C'est le moment de foncer et pas le moment de regarder les petits défauts du partenaire. La brosse à dents a changé depuis 6 mois, les légumes dans le bac à bière ou l'hygiène corporelle douteuse. Après la rencontre surviennent donc, avec une intensité variable, une phase d'amour passionnel et drôle à regarder si on est l'enfant d'une mère qui joue à Bonnie and Clyde au volant d'une décapotable avec un bandana dans les cheveux comme si elle avait connu Woodstock alors qu'elle est née en 1966. Ce comportement, qui frôle parfois l'obsession, active le circuit cérébral du désir, ce qui se manifeste par des conduites souvent compulsives. Here's Johnny. Toutefois, très vite, cette phase s'estompe, car la relation amoureuse permet l'arrivée de la récompense. Le divorce ! Ou le plaisir partagé si on n'a pas fait l'erreur de se marier. Un papa, un maman. Je rigole, évidemment, joie et bonheur à celles et ceux qui se sont mariés ou qui vont se marier, dédicace aux deux mariages que je vais faire cette année. Évoquons également trois autres hormones importantes contrôlant notre amour envers l'autre. La sérotonine, agissant comme une hormone qui régule les humeurs ou l'émotivité. Papa, tu en aurais un peu plus besoin. L'ocytocine, qui joue un rôle dans le sentiment d'attachement et d'empathie que l'on peut avoir pour quelqu'un. Enfin, l'endorphine, proche de la morphine, provoque un effet euphorisant, voire antidouleur. Ah, les dépressifs, plus besoin d'antidépresseurs et de Valium maintenant, pensez à l'endorphine! Non, plus sérieusement, la dépression n'est pas une maladie commune qui se soigne ou se détecte aussi facilement qu'un rhume. Prenez au sérieux les états de vos proches quand ils ne vont pas bien et parlez-en autour de vous, même si vous, c'est vous-même dans un état inconscient. Comment chacun vit l'amour? Bah oui. Savez-vous que l'amour mobilise certaines zones du cerveau et en désactive d'autres, telles une télécommande ou un interrupteur, parce qu'ici, on n'est pas à Versailles. C'est le cas du cortex préfrontal, qui sert à la prise de décisions rationnelles, ou de l'amygdale cérébrale, qui intervient dans notre ressenti des émotions négatives ou du jugement. Endormi, ces zones favorisent ce que l'on considère parfois comme un amour fou ou aveugle pour une personne. Vous êtes où ? Vous êtes où ? Dédicace à mon père, encore une fois, qui a entamé il y a bientôt 14 ans une relation avec une femme surmythique alors qu'elle n'avait aucune photo de profil. Ça, normalement, c'est rédhibitoire, mais mon père avait faim. Certaines études tendent à affirmer que la passion amoureuse dure 3 ans. Passé cette durée, la production de certaines hormones, dopamine et sérotonine, tend à baisser. Donc, c'est pas des conneries. Zoologiquement, car oui, les animaux que nous sommes, ressentent aussi l'amour comme la peine. Sur ce dernier point, parlons des éléphants, qui se rapprochent beaucoup des hommes en enterrant leurs congénères partis dans l'au-delà. Et oui, c'est vrai, ils enterrent leurs congénères. La vie et le comportement sexuel des êtres humains présentent de nombreux points communs avec ceux des primates, sauf que nous, on ne se jette pas du caca dessus quand on n'est pas content. L'observation d'autres grands singes suggère que l'amour chez l'homme ne serait qu'une forme culturellement complexifiée d'un phénomène existant déjà chez les animaux. Physiologiquement, le coït tel qu'il est observé chez l'Homo sapiens ne diffère guère de l'accouplement chez les grands singes. En revanche, la séquence amoureuse, des premières approches, de la séduction jusqu'à l'accouplement, semble avoir évolué parallèlement à l'hypertrophie du cortex cérébral dont a été dotée notre espèce au cours de son évolution récente. Concernant la relation maternelle chez les animaux, une intervention dans un processus naturel comme l'accouchement perturbe l'attachement de la femelle envers son petit. Ainsi, des brebis parturientes ayant subi une anesthésie péridurale ne manifestent pas de comportement maternel envers leur petit agneau tout mignon qu'on va manger avec plaisir. Aimer, c'est ce qu'il y a de plus beau. Chanter Damien Sargue dans la comédie musicale Roméo et Juliette de la haine à l'amour. Aimer, c'est le plus beau des sentiments, mais c'est aussi le plus lourd des chagrins, lorsque l'on piétine sans vergogne notre petit cœur tout doux. Aimer, c'est la preuve que nous sommes vivants, même si c'est manger des brocolis à la vapeur. Maintenant que vous savez comment l'amour fonctionne, vous savez qu'il existe des syndromes du cœur brisé, aussi nommé la cardiomyopathie de Takotsubo, qui est provoquée par une faiblesse soudaine du ventricule gauche, la principale cavité de pompage du cœur, causée par une détresse émotionnelle ou physique intense. Donc, on peut vraiment avoir le cœur brisé. Sur cette note physique et spirituelle intense, je vous retrouve dans 7 jours montre à la main, un sujet complexe mais source d'un savoir tabou, l'esclavage. Je m'interrogerai alors en cherchant à savoir qui est l'esclave de qui. C'était Théoxérès le Fureteur, à la revoyure les amigos.